fête de fin d'année, complètement digéré. Mon pantalon me dit arrête ou je vais craquer. Il est le chef du syndic de toute mon armoire. Ils font des manifs pour que je me regarde dans le miroir. Moi je croyais que l'important c'était d'être bien dans sa peau. Et ça y a pas de problème, je m'y sens plutôt bien. C'est juste que quand je me regarde dans les albums photos, j'aimerais voir autre chose que le bibin d'un Michelin. Allez, je pars à la guerre, des kilos superflus. Je colle les paquets de gâteaux avec la super glue. Les régimes, ça me gonfle, ça me bouffe. La vie, c'est énorme, mais faut pas que je me dégonfle, ni que je craque sur la bouffe hors norme. Au début c'est très dur, j'ai trop envie de manger. Je crois que la nourriture veut me déraisonner. N'avale pas les salades de ces diététiciens, ça va te rendre malade, t'es trop épicurien. À ne manger que des fruits, on finit dans les pommes. Franchement ça te dessert, t'es pas Isaac Newton. Et à tout saupoudrer avec la saccharine, bientôt tu ne mangeras que les pissenlits par la racine. Viens plutôt avec nous, on va se fendre la poire. On t'aidera à manger pour chasser tes déboires. Les régimes, ça me gonfle, ça me bouffe. La vie, c'est énorme, mais faut pas que je me dégonfle, ni que je craque sur la bouffe hors norme. Le comble du supplice, les soirées entre amis où chacun te propose une petite pâtisserie. T'entends ton estomac qui crie oui, oui, oui, oui, et ta conscience répond un petit non merci. Le pire que l'on m'ait fait, c'était à l'épiphanie. V'là que je me retrouve sous la table. Et celle-là, c'est pour qui? Pour Régime. Régine. Et celle-là, c'est pour qui? Pour toi, pauvre tarte. En plus d'être parano, je suis devenu aigri. Et je perds mes kilos moins vite que mes amis. Les régimes, ça me gonfle, ça me bouffe. La vie, c'est énorme, mais faut pas que je me dégonfle, ni que je craque sur la bouffe hors norme. Bouffe hors norme. Mon régime est fini, c'était plutôt vite fait. Comme une queue à la poste ou à Euro Disney. Les gens te disent enfin, t'as pas un peu maigri? Et moi c'est le un peu qui me tape sur les nerfs. En plus après ils croient que t'es au régime à vie. Et ils te font bouffer rien que des légumes. Les régimes, ça me gonfle, ça me bouffe la vie, c'est énorme. Les régimes, ça me gonfle, mais faut pas. Que je me dégonfle sur la bouffe énorme. Les régimes, ça me gonfle, mais faut pas. Ça me bouffe la vie. Que je me dégonfle sur la bouffe énorme. Les régimes, ça me gonfle, mais faut pas. Ça me bouffe la vie. Que je me dégonfle sur la bouffe énorme.